Comme pour ma femme, j'arrive pour voler ce qui m'attire. Jette-moi les jeux infâmes, j'arrive sur vos lèvres comme ma tube. Seul vent tout ce monde, dès que ça descend doucement. On a beau se faire en 10 ans, tu peux en prendre 10 ans, 12 mois. Pour les classes, moi et noyé, comme nos darons, darons voyage. Pour les retards, loyer, boyer, roule un royal, ta Hawaii. Wesh, les allumettes font les feux de forêt, je vois les tympes. Je veux le casse par la lumière, je conduis, vous vois les phares éteints. La nuit des malheurs approche, danse, putain de balai, remporte, transpire, mène rap et rentre dans le pont, j'ai dans le malheur en pioche, danse. Tous, demain c'est tard, je revois des mômes sous-tise leur plan. Des plans qui pensent les mots, la bac des mots sortis de leur plan. Ils rêve mort, rime FLM, c'est les mômes, font les nerveux. L'avenir est nerveux entre les veuves. Noir, les merveilles, les merveilles, les fils mal passent. Et mes ex-pifs et fils mal pack. Je veux chasser le fils à l'bat. Tiens, viens, grosse, plus mal pack. Rapper Max, les vis mal balle. Peu soigner, chasse le vin mal balle. Malène, malheur, rétise mal balle. Et je kick chaque soirée plus l'ambac. Là, pack le destin frappe, en bas frappe, rêve se frite. Temps passe, on laisse en froid, tous effrayés, tristes frits. Hein. On prie, on fonce, tape des barres à 4P4 en filo. J'tape de tir, val mieux qu'un rêve. Esquive qu'avec AF comme Pion. Un penchant pour l'alcool, les colères dont je peux plus me séparer. Un chétané, c'est couler, retour de flamme, je connais ses tarifs. Si l'avenir m'embrasse ou parasite, tout n'y a pour moi, c'est pareil. Le temps seul nous réparote mes cernes, il est taré, il est taré, je tape dans le son, le talent se cache à l'étage d'en dessous. En dessous, les talents se cachent, vital, on risque l'étage dans le souffle.